franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. En écoutant Monsieur X aujourd'hui, j'ai eu la curieuse impression de me trouver devant l'un de ces délicieux meubles à secret dans lequel s'emboîtent de nombreux tiroirs, chacun ouvrant sur un autre, et ainsi de suite. Telle, en effet, semble l'existence de l'homme dont il m'a parlé. Un invraisemblable emboîtage dont l'issue est incertaine. Mais n'est-ce pas la caractéristique de la vie des espions qui ne livrent jamais tout à fait leur mystère et emportent leurs secrets jusque dans la mort, s'ils sont vraiment morts. Car on ne sait même pas avec certitude si Nikolaï Fiodorovitch Artamonov est décédé. Monsieur X a donc choisi de me raconter la vie de cet agent double ou triple dont le destin a préoccupé les plus éminents dirigeants internationaux, de Gerald Ford à Leonid Brezhnev, en passant par Henry Kissinger. Artamonov, un marin soviétique que rien pourtant ne prédisposait à devenir l'un des espions les plus intrigants du XXe siècle. La mystérieuse affaire Artamonov commence par un roman d'amour. En juin 1959, commandant d'un destroyer soviétique, cet officier de marine se trouve alors en Pologne, où son bâtiment est en cale sèche. Le navire doit en effet subir des réparations avant d'être livré à la marine indonésienne. Désœuvré, le capitaine Artamonov traîne son ennui sur le port et la plage de Gdynia, jusqu'au jour où il rencontre une jolie étudiante polonaise, Eva, dont il tombe aussitôt éperdument amoureux. Sa vie va instantanément basculer. Ouais. Avant de connaître ce coup de foudre, là, quel est le parcours de ce marin ? Artamonov est un brillant sujet de la marine soviétique. Né en 1928 à Leningrad, il a intégré une prestigieuse école navale. Membre des jeunesses communistes, puis du parti, il sert d'abord 2 ans comme lieutenant de vaisseau à bord d'un destroyer de la Baltique, où il est responsable du service mine-torpille. Puis il commande un destroyer de la flotte de la Baltique. Capitaine de corvette, Artamonov est alors le plus jeune commandant de destroyer de toute la flotte soviétique. Dites-moi, il a pris rapidement du galon. Et selon un de ses camarades, c'est même une étoile montante de la flotte dont la presse soviétique brosse des portraits élogieux et qui entretient les meilleures relations avec ses supérieurs. Son avenir est tout tracé. Oui, enfin, il ne fait nul doute qu'il est destiné à occuper les plus hautes fonctions. Jusqu'à ce mois de juin 1959. J'ajoute que Nikolaï s'est marié avec la fille d'un commissaire politique de la flotte et qu'il a un fils, mais ayant rencontré la belle Eva, étudiante en dentisterie, il oublie tout, famille et carrière. Ah oui, mais qu'envisage-t-il? Il pense fuir et passer à l'ouest pour vivre son roman d'amour. Écoutez, il pourrait divorcer, se remarier. Certes, mais un officier soviétique ne peut épouser une étrangère. Il n'empêche, et je devine votre étonnement, que très certainement Artamonov doit songer depuis un certain temps à faire défection. Avant même de connaître sa polonaise, alors? C'est possible. Un événement l'a frappé. Un homme qu'il admirait, un héros de la Grande Guerre patriotique, a été brusquement viré de l'armée. Oui, et ça lui a ouvert les yeux sur la nature du régime. Et ensuite, son coup de foudre a été une sorte d'accélérateur. Je n'en sais pas plus. Alors la fuite, elle est assez spectaculaire. Artamonov a demandé aux ouvriers du chantier naval qui répare son destroyer de fixer un réservoir supplémentaire sur l'une des chaloupes. Il a aussi installé un compas magnétique sur la petite embarcation. En cachette, parce que j'imagine que le KGB ou le service de renseignement de l'armée doit surveiller ses marins en déplacement à l'étranger, même si la Pologne est une démocratie populaire. Évidemment. En tout cas, Artamonov a pris les devants. Et il a déclaré qu'il voulait simplement aller pêcher en haute mer. Et par une nuit de ce mois de juin 1959, il a invité sa belle à embarquer et malgré une très mauvaise mer, il a mis le cap sur la côte suédoise. C'est aussi simple que ça. En effet. Une fois en Suède, Artamonov, vous l'imaginez bien, a été pris en charge par les services secrets qui ont un peu plus tard accepté que le marin soviétique et sa compagne s'envolent pour les États-Unis. À la demande de la CIA. Ça me semble évident. Ouais. Et dès 1960, Artamonov est entendu par la commission des activités anti-américaines de la Chambre des représentants. Mais pourquoi ? Pour s'assurer que sa présence sur le sol états-unien est sans danger ? Bien sûr, car il a manifesté son intention de s'installer aux États-Unis et même de devenir plus tard un citoyen américain. Et à cette occasion, mais il a fait les mêmes déclarations devant les agents secrets qui l'ont interrogé, il donne quelques informations importantes. Quoi par exemple ? Il affirme que Khrouchtchev n'est pas sincère lorsqu'il parle de désarmement. Par conséquent, il met en garde les Américains. Les Soviétiques ont élaboré une nouvelle doctrine, celle d'une attaque nucléaire surprise sous prétexte d'une imminente agression américaine. Autre révélation, il affirme que les chalutiers de pêche soviétiques qui longent les côtes américaines sont en réalité des bateaux espions. Ouais, bon, enfin, les experts du renseignement n'ont pas dû attendre Artamonov pour le comprendre. C'est certain. Mmh. En tout cas, aussi bien devant cette commission que dans ses rapports avec les agents des services secrets, Artamonov donne la preuve qu'il a vraiment choisi la liberté, comme on disait à l'époque. Et qu'il n'est pas un faux transfuge. C'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que la défection d'un officier aussi brillant a provoqué des réactions en URSS ? Au lieu, certainement. Et les oreilles de quelques responsables du KGB ont dû siffler. Parce que, manifestement, la faute leur incombait. Mais l'information est restée secrète. Et son procès, in absentia, a été très discret. Oui, verdict ? Artamonov a été condamné à mort. Bon, alors maintenant, il est aux États-Unis. Que va-t-il faire ? Les agents, qui l'ont longuement interrogé, estiment qu'il pourrait travailler pour le renseignement. On lui trouve donc un emploi au sein de la DIA, c'est-à-dire le service secret de l'armée, en tant qu'analyste du programme naval soviétique. Il aurait même été accueilli à bras ouverts par le bureau du renseignement naval qui lui a accordé très vite un statut de conseiller spécial. Mais qu'attendait-on de lui ? Ce dont on avait besoin, c'est de son expertise, de son expérience d'initié. On lui a donc accordé une grande importance. Oui, parce que les spécialistes du renseignement naval avaient eu connaissance des articles parus dans la presse militaire soviétique qui citaient Artamonov et le considérait comme un officier exemplaire. Alors, concrètement, il a commencé à effectuer des tournées sur les bases américaines où il était présenté partout comme un échantillon d'une élite soviétique désabusée par le système. Ouais, ça, ce n'est plus de l'expertise, c'est de la propagande. L'un n'empêche pas l'autre. Et matériellement, comment ça se passe pour lui alors ? D'abord, avec la nationalité américaine, on lui donne une nouvelle identité. Il s'appelle désormais Nicolas George Chadrin. Ce serait le nom de jeune fille de sa belle polonaise. Les deux époux, car ils vont se marier, s'installent à McLean, dans le nord de l'État de Virginie. Donc pas très loin de Washington. Là, ils mènent une vie agréable, même si les personnes qu'ils fréquentent font état de sa nostalgie. Il regrette d'avoir dû quitter la Russie ? D'autant plus qu'il sait que son nouveau métier ne pourra jamais lui offrir les possibilités de carrière dont il rêvait. C'est alors qu'en 1967 exactement, que son pays se rappelle à lui. De quelle façon ? Il est approché par le KGB. Dans un numéro du Nouvel Observateur de janvier 1978, Patrice Lestrouan raconte la fuite de Nikolaï Artamonov. Le 7 juin 1959, vers 8 heures du soir, le jeune couple s'embarque dans une chaloupe du destroyer. Nicolas est supposé aller à la pêche. Eva, elle, a laissé un mot à sa mère pour la prévenir qu'elle va à la foire internationale de Poznan. Pendant 20 heures, c'est l'odyssée classique de ceux qui s'enfuient sur la mer. Le vent, l'orage, la peur des éclairs qui peuvent désigner la chaloupe aux patrouilleurs soviétiques. Enfin, les transfuges touchent un petit port suédois. Ils ne resteront que 3 mois en Scandinavie. L'URSS est trop près, les agents du KGB aussi. Nicolas, considéré comme un traître, est passible de la peine de mort dans son pays. Il n'est pas tranquille. Le couple décide de demander asile aux États-Unis. Artamonov, approché par le KGB, qu'est-ce que ça veut dire ? Une observation d'abord. Dès sa défection, Artamonov est devenu une cible pour le KGB. plus précisément pour le département 8, un service de contre-espionnage chargé de traquer les traites. Ils ont besoin de les liquider. Hein. Naturellement. Mmh. Artamonov aurait été repéré alors qu'il participait à une conférence à Washington, où sa réputation d'analyste de la puissance militaire soviétique fait désormais florès. Mmh. C'est risqué, plus il est connu et il rencontre de gens, et plus il risque d'être retrouvé. Et c'est donc ce qui est arrivé. L'ARC, son nom de code au KGB, est donc repéré. L'ARC, en anglais, c'est Alouette, hein, je crois. Quelles sont les intentions des agents du KGB là? Veulent-ils l'assassiner? Non, mais ils ont trouvé mieux, si j'ose dire. Ils ont imaginé de le retourner. C'est-à-dire? Ils veulent amener le pseudo-Chadrine à travailler pour eux, et même, à terme, à revenir en URSS afin de dénoncer publiquement la CIA et son ex-pays d'accueil. Mmh. D'accord, mais avec quels arguments? L'homme chargé de la manœuvre, un nommé Igor Koshnov, colonel du KGB et diplomate haut placé de l'ambassade soviétique à Washington, ne vient pas les mains vides. Il est porteur de deux lettres manuscrites. L'une de l'épouse russe délaissée, l'autre du fils d'Artamonov. Chantage au sentiment. Bien entendu. Et comment ce Koshnov là contacte-t-il Artamonov? Très simplement. Il l'aborde alors que l'ancien officier de marine fait ses courses dans un supermarché de Virginie. Et comment réagit Artamonov alors? Je pense que dans un premier temps, il n'a guère dû être rassuré. Oui, parce qu'il était conscient de la menace qui pesait sur lui. Bien sûr. Mais ensuite, il a écouté plus calmement son interlocuteur. Et lorsqu'il a compris où voulait en venir l'homme du KGB, il a prudemment paru intéressé. Et c'est-à-dire qu'il lui a donné l'impression de ne pas être hostile à un retour vers la mère patrie. Exactement. Mais tout de suite après, il a averti les services de contre-espionnage américains. Ouais. Et il a raconté son histoire. Alors, réaction? Elle est assez étonnante. Les agents qui l'ont reçu lui ont conseillé d'accepter la proposition du soviétique. Ou en tout cas de faire semblant. Oui, car il y avait là une possibilité assez exceptionnelle d'intoxiquer les services soviétiques. Artamonov, agent double, pourrait livrer au KGB de fausses informations. Alors, au milieu desquelles, pour garantir sa crédibilité, on aurait glissé de vrais renseignements, mais sans importance réelle. Ça, c'est un classique de la désinformation. Et comment Artamonov aurait-il accueilli cette deuxième proposition? Ici, il existe deux versions. D'après les soviétiques, mais ils ne l'affirmeront que bien plus tard, Artamonov aurait accepté de collaborer avec eux et aurait surtout manifesté son désir de retourner en URSS. Au contraire, selon son épouse, Artamonov se serait d'abord refusé à devenir un agent double. Et ce n'est que sur l'insistance du contre-espionnage états-unien qu'il aurait finalement accepté. Qui croire? Écoutez, personnellement, j'hésite. Je vous ai dit que l'ancien marin était nostalgique. Et puis sa ferveur amoureuse s'était peut-être émoussée. En outre, il ne faut pas exclure le réveil chez Artamonov de ses sentiments paternels. Surtout si le KGB lui a laissé entendre que l'avenir de son fils pourrait pâtir d'un éventuel refus de sa part. Quoi qu'il en soit, Artamonov procède à une première remise de documents à son contact du KGB. Quoi alors? Un annuaire des services de renseignement de la marine. Mais ruse ou maladresse, le document mal photocopié n'aurait pas été très lisible. Ce que l'homme du KGB n'a guère dû apprécier. Certainement, car il y avait là de quoi douter de la sincérité de l'agent double. Cependant, les choses vont encore se compliquer un peu plus. Lors d'un rendez-vous d'Artamonov avec son correspondant du KGB, ce dernier lui fait savoir qu'il veut à son tour changer de camp. Et pour preuve de sa détermination, ce Koshnov appelle directement le domicile du patron de la CIA, Richard Helms, pour proposer ses services. Ça, c'est pas ordinaire. Hein. Puis, pardonnez-moi, mais ça ne me semble pas très crédible. Et d'autant que la future taupe Koshnov n'aura apparemment guère le temps de trahir ses amis soviétiques. Il serait mort assez rapidement, et j'ajoute, opportunément, d'une crise cardiaque. Mais selon d'autres sources, il aurait survécu. Mais j'y viens dans un instant. Décidément, rien n'est clair dans cette histoire. Ça, je suis d'accord avec vous. Alors, revenons à Artamonov. Loyal ou pas, à moins qu'il ne fasse preuve de sincérité successive, il joue son rôle d'agent double. Et il fait plusieurs voyages hors des États-Unis. Missionné par la CIA? Probablement. C'est ainsi qu'on le retrouve au Canada ou à Vienne, en Autriche. Ouais, Vienne, traditionnel carrefour de l'espionnage. En raison de sa proximité géographique avec le camp de l'Est. En même temps, Artamonov Chadrine cultive sa notoriété. En 1972, il passe un doctorat en relations internationales à l'université George Washington. Son sujet de thèse ne vous étonnera pas. Il s'agit d'une évaluation en profondeur de la marine soviétique. Mais le plus surprenant est à venir. Expliquez. Fin décembre 1975, accompagné de son épouse, Artamonov s'envole à nouveau vers l'Autriche. Officiellement, le couple s'est offert un séjour au sport d'hiver. Ouais. Et officieusement ? Ah ben ça, c'est autre chose. Artamonov s'est installé dans la suite d'un hôtel de luxe de la capitale autrichienne. C'est loin des pistes de ski. Ce qui montre que les sports d'hiver ne sont qu'un prétexte. En réalité, Artamonov est venu à Vienne pour honorer un rendez-vous. Avec qui ? Deux représentants du KGB, dont peut-être ce Kochnov dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le mort qui n'est peut-être pas mort. Et qui serait lui aussi un agent double. L'autre étant un certain Mikhail Kouritchev. Les trois hommes se retrouvent dans un restaurant à l'extérieur de la ville. Quelques heures plus tard, Artamonov, Chadrine, rentre à son hôtel et raconte l'entrevue à une femme, un agent de la CIA, qui a été chargé de le suivre à Vienne. Pour le surveiller ? Ou peut-être même le protéger, mais les deux ne sont pas incompatibles. Ouais. Alors que dit-il à cette femme, là ? Les deux soviétiques lui auraient d'abord annoncé qu'il avait été promu. Il aurait désormais le grade de lieutenant-colonel du KGB. Ah, si c'est vrai, ça signifie qu'on a confiance en lui. Et qu'on attache une grande importance à sa collaboration. Les deux agents soviétiques auraient exigé ensuite un nouveau rendez-vous. Ah, le premier ne leur a pas suivi ? Bah, apparemment. Le 20 décembre 1975, à la nuit tombante, Artamonov se rend donc sur le lieu de la rencontre, fixé de façon assez rocambolesque au sommet des marches de la Votikirche, une vaste église néo-gothique située non loin de la rocade centrale de Vienne. Détail intéressant, cette église est située en face du consulat américain. Ah, et alors Artamonov peut donc être surveillé depuis les fenêtres de ce bâtiment. Et la femme là, de la CIA, là, son ange gardien, elle est là, quelque part dans l'ombre ? Oui, mais elle s'est absentée pour aller boire un verre. Oh, c'est encore une invraisemblance, non ? Bien entendu. Ou alors, c'est une négligence impardonnable, car Artamonov disparaît ce soir-là sans qu'on puisse savoir ce qu'il est devenu. Évanoui dans la nuit, en somme, ouais. Et à la CIA, alors, comment explique-t-on cette disparition ? Bah, on émet plusieurs hypothèses. La plus simple, c'est que l'ancien marin a choisi de suivre les agents du KGB. Ouais, et de revenir chez lui, en somme. Mais selon une autre hypothèse, beaucoup plus inquiétante, on pense à l'enlèvement. Artamonov aurait été emmené de force de l'autre côté du rideau de fer. Cependant, cette affaire n'étant guère glorieuse pour la CIA, il est décidé de garder le silence. Mais ça n'est pas du goût de la femme du disparu qui est décidée à remuer ciel et terre pour savoir ce qu'est devenu son époux. Eva Chadrine se fait assister par un avocat coriace, Richard Kopaken. Et elle est bien décidée à harceler les autorités fédérales. L'affaire va par conséquent être rendue publique ? Non, non, pas tout de suite. Eva et son conseiller demandent aux journalistes de ne pas révéler l'affaire, car cela risquerait de mettre Artamonov en danger. Et bientôt, la disparition de l'ancien officier de marine soviétique va être l'objet de discussions et d'interpellations au plus haut niveau. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Retour sur les raisons qui auraient pu expliquer le retour du capitaine Artamonov dans son pays natal. Voici ce que je lis dans l'ouvrage de Peter Hulshausen et Alexandre Sheldon Duplex, Guerre froide, espionnage naval. Selon une théorie en vogue aux États-Unis, Artamonov aurait été contacté sur le sol américain par le KGB qui lui aurait remis une lettre de sa première épouse russe, le suppliant de faire amende honorable pour ses crimes. Dans sa lettre chargée d'émotions, elle lui aurait demandé de faire un geste patriotique et de revenir dans le camp idéologique soviétique pour le bien de leur fils Nikolai Nikolaevitch. La demande d'admission du jeune Nikolai à la prestigieuse école de marine Nakhimov de Leningrad lui avait été refusée en 1972 en raison de la défection de son père. Toujours selon cette théorie, le transfuge Artamonov, rongé par le remords et la culpabilité, aurait cédé aux pressions du KGB. En janvier 1976, le secrétaire d'État, Henry Kissinger, demande des explications à l'ambassadeur soviétique à Washington. Réponse ? Dobrynin interroge Moscou. Non, non, là-bas, on n'a aucune nouvelle d'Artamonov Chadrine. Ouais, mais même si on en avait, une autre réponse aurait été étonnante. Hein. Ah, certainement. Ensuite, c'est le président Ford qui adresse à Brejnev une lettre personnelle. Cette fois, la réponse est plus explicite. Le numéro 1 soviétique s'est fait communiquer le dossier. Il apparaît qu'Artamonov aurait repris contact avec son pays afin de revoir sa famille. Il aurait aussi exprimé son repentir d'avoir trahi. En décembre 1975, il a effectivement rencontré à Vienne des représentants du Comité pour la sécurité d'État, le KGB, pour discuter de son rapatriement en URSS. Mais il ne s'est pas présenté au rendez-vous qui lui a été fixé deux jours plus tard. Ouais, alors, fin de piste. Enfin, pour Moscou, en tout cas. Ouais. Et un peu plus tard, Brejnev fera la même réponse à une lettre du nouveau président américain, Jimmy Carter, affirmant qu'Artamonov ne se trouve pas en URSS. Mais pour que des dirigeants aussi éminents s'inquiètent du sort d'Artamonov, il faut que celui-ci soit considéré comme un personnage important pour les Américains. C'est évident. Ensuite, l'avocat Kopaken s'adresse à l'un de ses confrères est-allemands dont nous avons autrefois parlé, Wolfgang Vogel. Oui, ça, c'est le spécialiste des échanges d'espions entre l'Est et l'Ouest, hein, ou même d'achats de dissidents. Hein. Oui, une activité très fructueuse. Vogel, persuadé qu'Artamonov se trouve quelque part en URSS, imagine de l'échanger contre la taupe, Gunther Guillaume. Oui, ça c'est la taupe qui avait été placée auprès de Willy Brandt. Mais les responsables occidentaux refusent. Enfin, un autre intermédiaire, le journaliste espion du KGB, Victor Louis, est sollicité, en vain. Alors en juillet 1977, l'enlèvement d'Artamonov est enfin révélé par la presse états-unienne après l'accord de son épouse et même celui des services secrets. L'enlèvement, avez-vous dit, hein ? Et parce que c'est l'hypothèse la plus crédible. Mais les soviétiques ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ne tardent pas à réagir dans la Litteraturnaya Gazeta, où un certain Igor Orlov, sans doute un fonctionnaire du KGB, insinue que l'espion a été liquidé par la CIA pour l'empêcher de repartir en URSS. Ouais, réponse du berger à la bergère. Et après cet échange musclé, on ne parle plus d'Artamonov pendant de longues années. Jusqu'en octobre 1985, où se produit un véritable coup de théâtre. Vous vous souvenez de Yuri Yurchenko? Ah oui, ça c'est un important officier du KGB qui a fait défection à Rome. Hein. Où il était chargé d'accompagner et bien sûr de surveiller des savants soviétiques venus participer à une conférence internationale. Ouais, et c'est le surveillant qui s'est éclipsé. Peu après, on a retrouvé Yurchenko à Washington, où les hommes de la CIA l'attendaient avec une certaine gourmandise. Ouais, parce que c'était un gros poisson. Hein. Assurément. Mmh. Et pour ne pas être victime d'une supercherie. Oui, c'est-à-dire un faux transfuge chargé de les intoxiquer. Bien sûr. Donc, pour ne pas être abusé, les gens de la CIA ont pris la précaution de lui faire subir le test du détecteur de mensonges. Ouais, un test que Yurchenko a passé avec succès. Et par conséquent, les Américains ont aussitôt accordé foi aux révélations que l'officier du KGB était prêt à leur faire. Mmh. Si je me souviens bien, Yurchenko les a mis sur la piste de taupes qui avaient trahi la CIA et permis en particulier de démanteler le poste de Moscou. C'est exact. Mmh. Mais ces taupes avaient déjà été démasquées ou étaient sur le point de l'être. Toutefois, c'est une confirmation intéressante. Aussi, lorsque Yurchenko a commencé à leur parler d'Artamonov, les agents de la CIA ont dressé l'oreille. Mais qu'a-t-il dit précisément alors ? Il confirme ce dont on se doutait à la CIA, que l'ancien capitaine de corvette a bien été enlevé par les hommes du KGB avec lesquels il avait rendez-vous. Et pour perpétrer ce kidnapping en toute sécurité, ces deux agents spéciaux auraient drogué leur victime avant de le dissimuler dans un coffre de voiture. Ouais, et là, direction la frontière hongroise. Naturellement. Mmh. Mais lorsque cette frontière étant passée, les espions ont ouvert le coffre et ils ont découvert qu'Artamonov était mort. Et que s'était-il passé là ? Bah, ou bien le marin a été victime d'une crise cardiaque. Le choc de l'enlèvement ? Ou alors la quantité de drogue qu'on lui a injectée était mal calculée. Ouais. Et le pauvre diable aurait reçu une dose mortelle. C'est la version à laquelle croit Yurchenko. Une version aussitôt communiquée à la presse américaine. 10 ans après la disparition de l'agent double, l'affaire est enfin résolue. Mais patatras, vous connaissez la suite. Ouais. Yuri Yurchenko, après avoir fait un petit tour de 3 mois aux États-Unis, échappe sans difficulté à son ange gardien de la CIA. Et rejoint tranquillement à pied l'ambassade soviétique voisine du restaurant où il a choisi de dîner. Et ensuite, bah, il est rentré dans son pays, non sans accuser auparavant la CIA de l'avoir kidnappé à Rome. Et vous êtes persuadé que Yurchenko était un faux transfuge? Oui, parce que, objectivement, Il n'a nullement causé de dommages au service soviétique. Ouais. Et il a surtout humilié les Américains hein, à la veille d'une importante rencontre entre Gorbatchev et Reagan. Mais au fait, il avait passé le test du détecteur de mensonges. Oui, mais enfin, on a appris plus tard que le KGB avait entraîné ses agents destinés à aller à l'étranger à ne pas laisser transparaître leurs émotions lors du test. Mais, enfin, passons. Non, l'important en ce qui concerne Artamonov, c'est qu'après ce petit tour de passe-passe de Yurchenko aux États-Unis, on peut émettre de sérieux doutes sur la sincérité du personnage. Et donc sur le récit qu'il a fait de la mort d'Artamonov. Ah, par voie de conséquence. Pourtant, la version de Yurchenko sera confirmée en 1993 par un autre ponte de l'ex-KGB, Oleg Kalugin. Et un autre défecteur. Hein. Qui est devenu en 2003 citoyen états-unien. Kalugin, il faut le noter, a été un acteur important de l'espionnage soviétique. C'était un général du KGB, je crois. Et résident du poste de la centrale soviétique aux États-Unis. Mais dans les années 80, il est allé de déception en déception. Et sous Eltsine, il a préféré quitter son pays. Avait-il, lui, de bonnes raisons de connaître l'affaire Artamonov ? D'excellentes raisons. Il aurait lui-même été présent au cours de cette opération. Et plus tard, l'un de ses anciens collègues du KGB l'a même accusé d'avoir voulu se débarrasser d'Artamonov qui le soupçonnait de travailler pour la CIA. Ah oui. Mais votre avis, alors ? Bon, je n'y crois guère. Peut-être plus tard, mais pas dans les années 70. En tout cas, Kalugin a donné une version assez précise de la mort d'Artamonov, confirmant à peu de choses près ce qu'avait affirmé Yurchenko. L'ancien capitaine de corvette aurait été victime d'une attaque cardiaque lorsque les agents russes l'auraient embarqué dans le coffre de la voiture. Et il serait mort sur le chemin vers la frontière. Kalugin, exilé aux États-Unis, serait allé voir la veuve d'Artamonov, Chadrine, pour lui raconter l'histoire en entier et lui présenter ses condoléances. Et en 2009, il a réétiré sa version dans ses mémoires. Mmh. Et vous y croyez ? Oui et non. Et pourquoi cette réponse de Normand ? Parce que cette affaire reste définitivement mystérieuse. Selon certaines sources, Artamonov serait mort bien plus tard et aurait résidé en Russie. Des attachés navals l'auraient aperçu en 1988 lors des obsèques de l'amiral Gorshkov, qui a été longtemps l'homme fort de la marine soviétique. Et donc son patron ? Plus troublant encore, sa première femme a déclaré qu'il était installé à Saint-Pétersbourg et qu'elle lui aurait rendu visite à plusieurs reprises. Mais il serait décédé depuis, enterré près de la prison de Lefortovo, à Moscou, sous un faux nom. À moins, et ce n'est pas tout à fait invraisemblable, qu'il soit toujours vivant. Si l'étrange existence de Nikolaï Artamonov vous intéresse, vous trouverez sur notre site franceinter.fr la liste de quelques ouvrages qui évoquent ce mystérieux personnage. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Stéphane Combe et à Monsieur Jou pour ces toutes petites notes de musique.